Donc on va lire rapidement, inshallah, quelques minutes de les paroles du Cheikh Abd al-Razzaq dans son livre Ta'zim al-Salat, le respect de la salat. Et on est toujours dans la partie où le Cheikh il parle du statut de la prière, makanat al-Salat. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On a commencé hier à parler de quelques preuves que les ulama ont mentionnées pour expliquer, pour mentionner comme la mécréance de la personne qui délaisse la salat par paresse. Et qu'est-ce que les ulama ont mentionné comme dalil, comme preuve à ce sujet-là? Aujourd'hui, donc, on continue à mentionner quelques autres adillah, quelques preuves que les ulama ont mentionnées. Le Cheikh, il cite ici, il dit, « Rawa l'imam Ahmad wa ibn Hibban wa al-Tabarani bi isnadin jayyid min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu zakara as-salata yawman faqal man hafaza alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawma al-qiyamah ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهنا نكتة بديعة وهي أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رئاسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رئاسته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته وأمواله فهو مع أبي بن خلف. Donc l'imam Ahmad et Ibn Hibban et At-Tabarani, il rapporte par une chaîne de transmission qui est bonne un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné un jour la prière, la salat, il a dit, quiconque préserve sa salat, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut au jour de la résurrection. Et celui qui ne préserve pas sa salat, elle ne sera pas une lumière, ni une preuve, ni un salut pour lui. Et au jour de la résurrection, il sera avec Qarun et Pharaon et Haman et Ubay ibn Khalaf. Et il dit ensuite, il y a un point intéressant ici à mentionner qui explique ce hadith. C'est que l'abandon de la salat, ou bien de ne pas préserver sa salat, soit que c'est parce que quelqu'un a été distrait par ses biens, soit par sa propriété, soit parce que il avait un statut de dirigeance ou de gouvernance, et ou bien c'est par rapport à son commerce. Donc celui qui a été distrait par son argent, il va être avec Qarun. Celui qui a été distrait avec sa propriété et son royaume, il sera distrait, il sera ressuscité, ou il sera avec Pharaon. Et celui qui a été distrait de la salat à cause de le statut qu'il avait, qu'il était responsable ou dirigeant de quelque chose, il sera avec Haman, hein, comme Haman était le ministre de Pharaon. Et celui qui a été distrait de la salat par son commerce, il sera avec Ubay ibn Khalaf, hein, parce que c'était un tajir, hein, c'était un commerçant, un tajir Quraysh. Et c'est lui qui a ramené les idoles autour de la Kaaba, hein, c'est lui qui les a ramenées après Ibrahim alayhi salam. Donc, comme je disais hier, j'ai mentionné comment certains ulama ont pris ce hadith. Certains ont mentionné que ça, comme les hadiths qu'on a mentionnés et les versets qu'on a mentionnés hier, certains ont dit ça c'est par rapport à la personne, non pas qui délaisse la salat complètement, mais qui ne la fait pas dans son temps, ou bien qui la retarde, ou qui la néglige, hein, et non pas celui qui la délaisse complètement. Tandis que d'autres l'ont mentionné comme étant une preuve pour celui qui délaisse la salat complètement. Et donc c'est pour ça qu'il y a des fois divergence dans la compréhension entre les ulama par rapport à ces preuves. Ensuite, le cheikh il dit rawa al-imam Ahmad an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man taraka salatan maktubatan muta'ammidan فهي بريء فهي فقد برئت منه ذمة الله وهو صحيح. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Mu'adh ibn Jabal qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui abandonne volontairement une salat qui est obligatoire, il a perdu, hein, il est innocent, ou bien Allah se désavoue de sa protection pour lui, hein, de son engagement envers lui. Et donc ça c'est authentifié par Cheikh Al-Albani, il l'a déclaré dans Sahih Al-Targhib comme étant Hassan Al-Ghairi. Naam. Ensuite il rapporte un hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son Sahih selon Anas ibn Malik, il dit qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla salatana wa istaqbala qiblatana وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. نعم. Donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait notre salat et qui se tourne vers notre qibla et qui mange notre sacrifice ou qu'est-ce que nous avons égorgé, alors ça c'est le musulman. Celui qui a la protection ou bien l'engagement envers Allah et son messager. Il dit donc ne brisez pas votre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala dans son engagement avec vous. Ne brisez pas cet engagement-là. Il dit rawa l'imam Ahmad fi musnadihi wa Malik fi muwatta'ihi wa an-Nasa'i fi sunanihi bi isnad sahih an Mihjan al-Aslami radiyallahu anhu annahu kana fi majlis ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa udhina bis salah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنه في هذا المعنى آثار كثيرة منها. Donc ça c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad et l'imam Malik dans la Muwatta et An-Nasa'i dans son Sunan avec une chaîne de transmission authentique selon Mihjan al-Aslami رضي الله عنه qu'il était assis avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. On a fait l'adhan pour la salat, hein, et l'iqam, les gens se sont levés pour faire la prière. Puis, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat avec les sahaba, et quand il est revenu, il a trouvé que Mihjan est resté à la même place où il l'a laissé. Alors il lui a dit, hein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous? Hein? Mais qu'est-ce qui t'a empêché de prier? Est-ce que tu n'es pas un homme musulman? Hein? N'es-tu pas un musulman? Il lui a dit, certes, je suis musulman, mais j'ai déjà prié cette prière avec ma famille avant de venir. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu en disant, si tu viens, il dit, prie avec les gens, même si tu as déjà prié auparavant. Si tu viens, prie avec les gens, même si tu as déjà prié auparavant. C'est-à-dire que, pour toi, tu vas prier cette prière, même si tu as déjà prié cette prière, prie avec les gens, ça va être une prière surérogatoire pour toi. D'accord? Donc ça, c'est parmi les preuves qui ont été mentionnées par les ulama à ce sujet-là.